un pion parmi d'autres pions, un mouton parmi d'autres moutons. Je suis le monde aveuglement, sans réfléchir, sans conscience, sans renseignement. Je me sens libre, mais dans l'apparence, je me sens triste, alors que j'avance comme une personne ivre. Le chemin que je prends n'est pas le bon, je le sais, mais le diable qui est en moi ne fait que m'influencer. Et l'heure viendra, peut-être, je serai en train de forniquer, ou peut-être en train de voler, ou pire encore, en train d'associer Allah à une autre divinité. Faudra que je me remets en question, alors que j'y pense, la solution serait peut-être la religion. Et si je me remettais dans le droit chemin, fais ce que Allah m'a demandé avant que la mort me vienne. C'est vrai que la recherche du bonheur se trouve en fait dans les ordres du Seigneur. Alors j'ai besoin de la foi, j'ai besoin de la piété. Il me faut une parole que mon cœur sera touché. Il n'y a de Dieu que Allah et Mohammed et son messager. À partir d'aujourd'hui, je sais vers qui me prosterner.